Vous écoutez Futur Simple sur CKRN, CKRL au 89.1. On le sait, la santé est le poste de dépense le plus important du gouvernement du Québec et tout indique que ce poste de dépense gonflera encore. Et avec la venue des soins de santé personnalisés, ça pourrait faire encore augmenter les dépenses en santé. Alors les soins de santé personnalisés, on en entend parfois, mais qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce que ça implique pour le malade, pour les proches, pour la société? Pour répondre à ces questions, nous avons en studio avec nous Mme Nicole Baudry, qui est secrétaire générale de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Mme Baudry, bonjour. Bonsoir Valérie. Merci d'être. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Bonne année à vous aussi. Puis merci d'être venue à nos studios. Je voudrais, Madame Baudry, tout d'abord qu'on commence par expliquer ce qu'est cette commission de l'éthique en sciences et en technologie. La commission est un organisme gouvernemental autonome, indépendant, dont le mandat est de conseiller les décideurs politiques et au premier chef, notre ministre de tutelle, qui est le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, sur toutes les questions qui sont relatives aux enjeux éthiques liés au développement de la science et de la technologie, en fait, pour aider les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées. Là, vous avez dit ministre de tutelle, mais d'un côté, vous êtes indépendant. Absolument, oui, absolument. Nous relevons d'un ministre, c'est ça. Et aussi, notre mandat, c'est de susciter la réflexion sur ces enjeux, en fait, de renseigner la population. La commission, ce sont 13 membres nommés par le gouvernement qui proviennent des milieux de la recherche, de l'industrie, des grands courants de pensée et des milieux socio-économiques. Ce sont tous des bénévoles, je tiens à le préciser. Ah oui? Tous des bénévoles, à l'exception du président qui est nommé à mi-temps et qui assume une fonction qui est importante. La commission est assistée par une équipe de professionnels que je dirige. Alors, voilà quel est le modèle de la commission de l'éthique en sciences et en technologie que, malheureusement, trop peu de monde connaît. C'est bien vrai, oui. Donc là, vous avez le mandat donc de réfléchir avec des universités, différentes personnes sur des sujets qui soulèvent des enjeux éthiques. Et parmi ces sujets-là, donc, il y a les soins de santé personnalisée. Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet-là? Écoutez, depuis 2008, le gouvernement du Québec s'est engagé dans une stratégie de promotion des soins de santé personnalisés et il a fait des investissements majeurs. Je vais vous donner une idée de ces investissements-là. Le budget de 2011-2012 prévoyait une injection de 20 millions d'ici 2015. Bien entendu, les budgets ont été diminués depuis. En février 2013, le ministre des Finances annonçait l'attribution de 10 millions pour créer le partenariat pour la médecine personnalisée en cancer, dans le but de développer des nouveaux médicaments en fonction du profil génétique des patients. Les partenaires privés ont investi de leur côté dans ce fonds-là 11 millions, ce qui fait un budget total de 21,1 millions. En avril 2013, le gouvernement annonçait la création de fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé. Ce partenariat-là bénéficie d'un budget de 125 millions qui sert à financer des projets de recherche en santé humaine. Et parmi les projets qui sont privilégiés, on retrouve des projets en soins de santé. Donc, personnalisés. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Donc, l'objectif de l'avis n'était pas pour la commission de se prononcer pour ou contre les SSP, mais plutôt d'accompagner son développement, de s'assurer que leur intégration dans le système de santé soit respectueuse des valeurs de la société, et finalement, de s'assurer aussi qu'elle ne s'implante pas au détriment des soins de santé de base auxquels la population est en droit de s'attendre. Oui. Alors là, va peut-être falloir expliquer, parce que finalement, c'est comme bon, les SSP, on va dire, là, les soins de santé personnalisés, les SSP, bon, comment on les intègre dans l'offre de services de santé générale. Mais qu'est-ce que c'est, au fond, ces SSP? C'est une très bonne question, ben oui. Parce que contrairement à ce que le qualificatif personnalisé laisse entendre, ce n'est pas vraiment la personne qui est au centre de cette nouvelle approche-là, mais plutôt son bagage génétique. Les soins de santé personnalisés ne sont pas des soins qui sont prodigués de façon personnalisée, mais plutôt une approche qui permettrait d'individualiser le diagnostic, le traitement et la prévention de certaines maladies. Dans cette perspective-là d'individualiser, le diagnostic, le traitement ou la prévention de certaines maladies, on va prendre en compte l'âge de la personne, son genre, c'est un homme, une femme, son profil comportemental, est-ce qu'il est sédentaire, ses habitudes alimentaires, le profil socio-économique, Et différents paramètres aussi, tels que le lieu de vie, est-ce que la personne est en contact avec des agents polluants, est-ce qu'il y a des facteurs de stress, et tout ça va servir à déterminer une stratégie thérapeutique ou préventive. Donc c'est pas la personne qui est au cœur de c'est tout ce qui entoure c'est tout la ce personne qui entoure, le bagage génétique vraiment ben, oui, le bagage génétique mais tout ses ce qui entoure vie, exactement là où est-ce qu'elle vit exactement le métier peut-être plus ou moins absolument, stressant absolument, absolument. Mais ça semble intéressant à première vue. Donc, quels enjeux éthiques ça soulève? Pourquoi faire un avis? Pourquoi se soucier de savoir comment le gouvernement va développer ces SSP? Ben écoutez, il y a des enjeux importants. On a relevé 5 enjeux éthiques importants qui vont avoir des impacts dans le développement des SSP, tout ce qui concerne la qualité des données et la sécurité des patients, l'impact que pourraient avoir les soins de santé sur la relation clinique et les pratiques médicales, les impacts sociaux. Il y a la gestion des données qui vont être abondantes. Il y a aussi la gestion des ressources financières. Mais ce que je m'apprêtais à vous dire aussi en début, j'ai hésité à répondre à votre question, c'est que je voulais mentionner que le champ d'étude de l'avis de la commission a été uniquement l'aspect génétique, la prévention, le dépistage et le traitement, parce qu'on aurait pu prendre plus large. Puis en fait, il y a une question qu'on peut se poser aussi, est-ce qu'il en existe déjà des médicaments donc pour répondre à des soins de santé personnalisés? Est-ce qu'il y en a déjà qui sont approuvés au Canada? Oui, il y en a environ une douzaine qui sont approuvés au Canada, et celui que la population connaît le plus probablement, ou dont on entend parler le plus, c'est l'Herceptin, qui traite le cancer du sein métastasé surexprimant la protéine HER2. Ça a l'air, tout ça, c'est technique. Ouais. Mais il y a un test, le test qui s'appelle HER2, qui définit le groupe susceptible de bénéficier, le groupe de femmes susceptibles de bénéficier de ce médicament-là. OK, donc sait qu'il y a un groupe cible de femmes qui répond bien à ce médicament-là. De sorte que c'est pas la peine d'administrer ce médicament si femme n'a pas le gène, n'a pas le profil génétique. Elle ne répond pas bien à ce médicament-là. Donc revenons-en aux enjeux éthiques. Mm-hmm. Donc comment vous les avez abordés? J'imagine aussi que vous avez dû faire des recommandations. C'est souvent ce qu'on trouve dans un avis. Donc vous les avez abordés, ces enjeux éthiques? Oui, écoutez, on les a abordés, on les a expliqué d'abord dans la vie, on a expliqué ce que c'était et on a fait des recommandations. Mm-hmm. Alors, il y a tellement de choses dans ces cinq... Ben, prenons-les-en un par un, par exemple. Il y a tellement de choses à dire. J'aimerais dire à vos auditeurs que je vais juste souligner différents points, mais que tout ça, ça se retrouve sur le site de la commission au www.éthique.gouv.ca, de même que tous nos autres avis. C'est vrai, l'avis est disponible. Oui, absolument. On peut télécharger l'avis, c'est ça. Alors, si je reprends les cinq enjeux qu'on a relevés, par exemple, il y a un enjeu qui concerne la qualité des données. C'est un enjeu à la fois scientifique et éthique et qui concerne surtout les données probantes. Il y a de plus en plus de scientifiques qui se questionnent sur la quantité et la qualité des données qui supportent les interventions en SSP. La difficulté de produire des données solides, ça réside dans le fait qu'il est difficile de recruter des grandes cohortes nécessaires à la production des données probantes selon les normes établies. Donc, ici, les études portent essentiellement sur des petites cohortes, d'où la nécessité d'avoir des nouveaux devis d'études de grande qualité pour ces petites cohortes-là. Ouais. Les données probantes sont absolument nécessaires pour conclure à l'utilité clinique. Donc c'est un enjeu important. Ça, c'est des données pour savoir finalement quel profil génétique répond à tel médicament, ou donc pour avoir suffisamment, finalement, pour établir... pour avoir une valeur statistique, finalement, il faut s'apprendre à les grands nombres. Oui, exactement. Donc là, c'est que les cohortes sont trop petites pour pouvoir vraiment certifier que c'est tel profil génétique associé à tel... Oui, vous expliquez bien ça, c'est ça. J'essaye. C'est bien cela. Le deuxième enjeu qu'on a regardé aussi, qu'on a porté à l'attention des décideurs, c'est l'enjeu du changement de la relation clinique et de la complexification de la pratique pour les médecins. Mm-hmm. Parce que on croit que la qualité de la relation entre un professionnel de la santé puis le patient, c'est un élément essentiel de la prestation de soins, que tout ça, ça doit être bâti sur une véritable relation de confiance qui permet aux médecins aussi d'avoir des renseignements dont il a besoin pour faire son diagnostic. Donc, c'est une relation de soins qui est porteuse de valeurs, qui importe pour nous de conserver. Et la commission croit que le passage vers la médecine personnalisée va se faire de pair avec un changement dans la relation clinique. Le rôle du médecin se transforme, la relation Qu'est-ce clinique qui va changer? Se technicise. Le médecin va devoir maîtriser une quantité beaucoup plus importante d'informations complexes, connaître les tests existants, leur validité scientifique, être capable de juger quel test est le plus approprié pour son patient, être capable d'interpréter les résultats, de savoir intégrer ça dans la décision médicale et enfin d'être en mesure de bien transmettre l'information au patient pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Ouais. Est-ce qu'on s'intéresse aussi au fait que qu'est-ce que va faire le patient de cette information-là vis-à-vis de ses proches? C'est ça qui est important. C'est un des enjeux importants. Oui, parce que le médecin doit se dire, peut-être que lui, cette personne qui est malade, ne veut pas le dire à ses proches, mais lui, en tant que médecin, il se sent peut-être une responsabilité d'en informer les... Oui, c'est ambigu, là. Puis ça, c'est toute la question de ce qu'on trouve fortuitement. Donc, c'est une autre question qu'on a aussi abordée dans la vie. Il y a aussi la question de la nature probabiliste. Vous savez, jamais un gène, une maladie. Non, exactement. C'est toujours une probabilité de développer à 20 ou à 80%, mais pour une personne, 20% ou 80%, ça peut être interprété de la même façon. Hein. On pense au cas d'Angelina Jolie, dont on a parlé abondamment cet été, donc qui présentait une mutation d'un gène qui risquait de développer un cancer du sein à 87%, mais c'est une probabilité. C'est ça. Donc, il y a des décisions à prendre de façon éclairée. Elle a opté pour la mastectomie, mais quelqu'un pourrait dire, je vais me faire suivre plus régulièrement, un suivi plus serré. Ça dépend de la perception du risque. Donc, ça ne dit rien non plus sur quand la maladie va survenir. C'est clair. Est-ce que je peux vivre encore 30 ans sans maladie? Absolument, c'est possible. Un autre enjeu, c'est des effets aussi, les impacts sociaux, parce que la commission s'est intéressée à trois situations, l'emploi, l'assurance et l'immigration. Juste pour vous faire une idée des enjeux de cet enjeu-là, en matière d'assurance, il pourrait arriver, par exemple, que si l'Association canadienne d'assurance de personnes puisse demander de connaître les tests. La personne en a passé, on est obligé de les divulguer. Donc, ça pourrait faire en sorte qu'on paye nos primes d'assurance plus chères. C'est un exemple que je vous donne parce que je dois vous dire, par exemple, que l'Association canadienne, justement, des compagnies d'assurance a adopté un nouveau code de l'industrie en septembre 2015, dans lequel ils se sont engagés à ne pas exiger les résultats d'un test génétique et à ne pas demander non plus à connaître les résultats d'un test génétique. Donc, c'est une assurance. Mais voyez que c'est quand même un enjeu qui est là potentiellement et qui existe. Même chose pour l'emploi ou l'immigration. Peut-être que si notre employeur savait qu'on est atteint d'une maladie, qu'on peut être atteint d'une maladie, on pourrait ne pas avoir d'avancement à un poste, pas obtenir un poste. Mais vous savez, ce sont des enjeux. Puis l'immigration, c'est vrai que quand on fait le processus pour l'immigration, on passe certains tests de santé. Donc, est-ce qu'on pourrait accepter les immigrants? Ce sont des enjeux qui sont potentiels, dont il faut traiter. Puis finalement, il y a aussi des enjeux sur les données comme telles, la nature des données. Ça va produire une quantité appréciable de données qui vont circuler dans plusieurs mains. La conservation de ces données-là est importante. Qui va y avoir accès? Comment on va faire pour protéger la confidentialité? Le lieu de conservation? On pourrait penser, par exemple, que l'information va être déposée dans le dossier DSP, dossier de santé. Mais est-ce que là, elle va devenir accessible à plusieurs intervenants? Donc, c'est ça. Vous savez, il faut réfléchir à ça. Et finalement, un dernier enjeu, c'est un enjeu économique. Hein. Selon le dernier rapport du CIRANO paru en décembre 2013, la part de la santé dans le budget global, c'est 31 milliards, 42,9% des dépenses publiques totales du gouvernement du Québec. Puis en 2030, on pense que le budget de la santé va représenter 68,9%. Ça va se faire au détriment d'autres choses, il n'y a pas de mystère. Écoutez, c'est ça. Là, puis quand on sait que les médicaments sur mesure, c'est des médicaments qui sont plus onéreux que les médicaments traditionnels, il va y avoir des choix à faire. Donc, dans la vie, on s'est posé la question, est-ce que ça devrait être remboursé par le régime public d'assurance médicaments? J'imagine qu'on doit réfléchir à la quantité de personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces traitements-là par rapport à la quantité de personnes qui ont besoin des soins généraux. Oui, absolument. Et à certains estiment que des lignes directrices et des politiques entourant l'accès aux médicaments et aux tests et leur couverture vont devoir être mises en place par les décideurs. Ça, c'est clair. Voilà, ça, c'est les cinq enjeux qu'on a. Alors, face à ces enjeux-là, dans la vie, vous avez dû émettre des recommandations. Bon, on ne pourra peut-être pas toutes les citer, mais... Absolument. On a émis 9 recommandations. Alors, je vais plutôt y aller par bloc. On a fait 3 recommandations qui concernent la qualité des données et la sécurité des patients. Par exemple, les recommandations portent sur l'importance des données probantes, comme je vous expliquais, sur les nouveaux modèles pour des essais cliniques, donc ça prendrait un nouveau design, la validité des tests génétiques. On a 2 autres recommandations qui concernent les répercussions sur la relation clinique et la pratique médicale, qui concernent la formation et le perfectionnement continu en génétique pour les médecins. Totalement. C'est des informations, des recherches qui se font dans le continu. C'est dans leur cursus de cours, la formation, puis pour les médecins, du perfectionnement. Ouais. On a aussi une recommandation qui concerne le caractère complexe et délicat de l'information génétique. Vous en avez parlé tout à l'heure, l'information fortuite. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve l'information fortuite ou de l'information, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on la donne aux gens qui sont apparentés? Ouais. En France, les lois de bioéthique française, ils ont convenu, eux autres, qu'il y avait une lettre écrite par le médecin aux membres de la famille les informant qu'une information médicale à caractère familial était susceptible de les concerner, puis les inviter à consulter en génétique. Mm-hmm. Alors, j'ai 2 autres recommandations qui concernent les effets sociaux sur la discrimination génétique, particulièrement, et une qui porte sur la gestion des données, à l'effet que la commission d'accès à l'information devrait bien encadrer le partage de l'information entre la clinique et la recherche, et une, finalement, qui porte sur la gestion des ressources limitées dans le système de santé. Ouais. Parce qu'on sait que collectivement, la société ne peut plus tout se permettre, mais qu'individuellement, on veut ce qu'il y a de mieux pour les soins de santé. Oui, c'est ça, exactement. Alors, dites-moi, Mme Baudry, parce que le rapport est quand même plusieurs pages, là. Oui, absolument. Donc, on sait bien que, les gouvernements ne prennent pas toujours le temps de bien considérer les différents avis. Qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement retienne? Bien, écoutez, la Commission souhaite que l'on réfléchisse à ce qui constitue une conciliation optimale entre les valeurs de solidarité, justice et équité et les intérêts en jeu, et qu'il s'assure d'avoir une stratégie d'implantation des soins de santé personnalisés qui vise à maximiser les retombées au bénéfice de toute la population. Et donc ça suppose d'avoir ou de se donner les moyens d'évaluer les coûts d'implantation rigoureusement. Donc, c'est ce qu'on veut que le gouvernement retienne dans l'implantation des soins de santé personnalisés. Oui. Puis, on n'en a pas trop parlé, mais qui vous a... excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Qui vous a... vous êtes associé à quel type d'universitaire ou de chercheur pour vous aider à réaliser cet avis-là? Parce que c'est important de savoir qui est derrière ces recommandations, qui a réfléchi à ces enjeux. Absolument. On a travaillé avec un comité d'experts. En fait, ce sont des membres de la commission et des experts dans cette matière-là, des juristes, des gens. Vous retrouverez la liste des gens qui ont été au comité de travail, justement dans le rapport de l'avis. Mais c'est un rapport qu'on a fait fait avec des experts, qui a été soumis aux membres de la commission, et c'est les membres de la commission qui ont fait les recommandations suite aux données que nous ont produit les experts, aux discussions qu'on a eues avec eux autres, c'est ça. D'accord. On travaille, d'ailleurs, tous nos avis sont faits avec des experts. Mais quand on parle d'experts, c'est des universitaires, des universitaires, des gens du milieu, des gens, de l'industrie. C'est ça, c'est ce que je me demandais. Des gens qui sont concernés par le problème. Parce que j'imagine que, par exemple, quelqu'un d'une industrie pharmaceutique ne va peut-être pas réfléchir de la même façon. Non, exact, mais c'est intéressant de les mettre dans un lieu commun. Parce que quand on fait un avis, on fait d'abord un état des lieux, donc il faut comprendre le sujet dont on parle. Et on a besoin de tous ces acteurs-là pour se faire un portrait vraiment. Ouais. Après l'état des lieux, on fait les enjeux, on regarde les enjeux, on regarde les valeurs, puis les recommandations. C'était fort intéressant. Je vous remercie beaucoup, Mme Baudry, d'être venue à nos studios pour nous apporter cet éclairage sur les soins de santé personnalisés. Alors, je rappelle que Mme Nicole Baudry est secrétaire générale de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Merci, Madame. Ça m'a fait plaisir. Merci.